Voici votre butin régional. Au Centre culturel de East Angus, au 288 rue Maple, soirée d'information au sujet du regroupement des caisses des jardins le 12 mai à 19h. La Sûreté du Québec vous invite à une soirée d'information pour la prévention des vols à domicile le 12 mai à 19h à la salle communautaire de l'Hôtel de Ville de Newport. Dès le 14 mai, 19h, à la salle Aurélien Rivard d'Ascot Corner, et cela pour 8 semaines, se donnera un cours de Zumba. $60 pour un adulte, $30 pour un enfant ou $80 pour un adulte accompagné d'un enfant. Faire vos chèques au nom de la municipalité d'Ascot Corner. Pour ceux qui désirent payer à la séance, $10 par adulte et $5 par enfant.